del cimitero. Kota nako na nako, tuna ni solo nange, ata foto ae, e koma fleur rose. Etoile née à Bassi, Belinga Kanga Mingi, Aïe Bajali Mingi, Aïe Bajali Mingi.